Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Vous avez donc, monsieur Rouletabille, une explication pour les deux coups de feu. Parfaitement, monsieur le président. J'ai pu expliquer une partie du mystère de la chambre jaune en le décomposant en deux phases. Ceci étant admis, j'avais un coup de feu dans chaque phase. Un pour blesser l'assassin dans l'après-midi et un pour ce qu'on appelle le cauchemar. Rappelez-vous, dans son interrogatoire, le professeur Stangerson parle d'un coup sourd. Et les Bernier prétendent n'avoir entendu ce soir-là qu'un seul coup de feu. Ainsi étaient reconstituées les deux faces du drame quand j'ai pu pénétrer dans la chambre jaune. À l'évidence, la blessure de Mlle Stangerson n'entrait pas dans le cercle de mon raisonnement. Il était impossible qu'une telle blessure ait pu être faite par l'assassin avec un os de mouton lors de la première phase. C'est-à-dire l'après-midi. Exactement. Cette blessure était trop importante. Jamais malgré son immense courage, Mathilde n'aurait pu la dissimuler sous des bandeaux. Donc, la blessure avait eu lieu pendant la seconde phase. Or, la jeune femme, nous le savons maintenant, était seule dans sa chambre. Je ne crois pas qu'un petit mystère comme celui-ci ait de taille à arrêter monsieur Rouletabille. En effet, monsieur l'avocat général, je suis allé demander la réponse à la chambre jaune et elle a répondu. Une lettre? Un document? Non, monsieur le président, il y a dans cette enveloppe quelque chose de très précieux. Tenez, des cheveux blonds maculés de sang. Et où les avez-vous trouvés? Collés à l'un des coins de marbre de la table de nuit renversée. Ce coin de marbre portait lui-même une petite marque de sang. Ce qui veut dire? Ah ben, tout simplement que Mlle Stangerson se réveille en sursaut à un moment donné, affolée par son cauchemar, terrorisée par le coup de feu qui vient de partir. Elle se lève précipitamment alors que la table de nuit s'est renversée et elle tombe de tout son haut sur l'arête de marbre, d'où une blessure profonde qui saigne abondamment. Larsan a déclaré qu'elle avait été frappée avec un objet contondant. Monsieur le Président, le coin de marbre d'une table de nuit est aussi un objet contondant. Personne n'a pensé à ça, sauf moi. Bon, donc, à ce moment-là, je voulais connaître avec précision quand avait eu lieu la première phase du drame. Mademoiselle Stangerson et son père ont arrangé un bel interrogatoire pour égarer le charmant monsieur de Marquet, mais ça ne nous a pas empêché d'établir que l'assassin s'était introduit dans le pavillon entre 5 et 6. Une heure. C'est bien long, ne trouvez-vous pas? Tout à fait de votre avis. Tout à fait de votre avis, monsieur l'avocat général. D'ailleurs, voici mes notes. Le professeur et sa fille rentrent vers 6 heures au laboratoire. Le professeur déclare « Je fus abordé par mon garde qui me retint une minute. Courte conversation, on évoque une coupe de bois, les dégâts occasionnés par les braconniers. » Bien. Et à ce moment, où est Mathilde Stangerson? Elle n'est plus là. Elle a déjà regagné le laboratoire. Alors, fin de la déclaration du professeur, je quittais le garde et je rejoignis ma fille qui était déjà au travail. C'est donc seulement pendant ces quelques minutes que le drame se déroula. Et selon vous, monsieur Rouletabille, il s'est déroulé de quelle manière? Mathilde entre dans le pavillon, pénètre dans sa chambre et se trouve tout à coup face à face avec l'assassin. L'assassin qui se trouvait là depuis déjà un certain temps. Il s'était glissé sous le lit, comme nous le savons. Il avait fermé la fenêtre du vestibule après le départ du garde. Ce qui explique d'ailleurs que le professeur et le père Jacques, qui étaient encore éloignés du pavillon, n'aient pas entendu le coup de revolver. Alors donc, tout est en place. Mathilde découvre l'assassin, elle veut crier, et il lui tient la gorge. Alors peut-être va-t-elle étouffer, être étranglée. Avant de perdre conscience, la jeune femme s'empare du revolver et tire à l'instant où l'assassin brandit l'os de mouton. L'homme blessé lâche son arme et le sang que l'on retrouvera dessus n'est d'ailleurs pas celui de Mathilde Stangerson, mais celui de l'assassin. Alors il est là, il titube, s'appuie sur le mur. Il y laisse la trace de sa main ensanglantée. Et comme il craint une seconde balle, il fuit. Il ouvre la fenêtre du vestibule et se sauve. Mathilde l'a vu. Elle va fermer la fenêtre derrière lui. Et grâce à une énergie surhumaine, elle ferme la porte de sa chambre et gagne le laboratoire. Et nous retombons alors sur la déclaration du professeur Stangerson. Quand je suis arrivé, ma fille était déjà au travail. Monsieur Robert Darzac, vous savez la vérité. Dites-nous au moins si les choses se sont passées comme je viens de les décrire. Je ne sais rien, monsieur Rouletabille. Monsieur Darzac, l'ennui avec les héros et les martyrs, c'est qu'ils finissent toujours très mal et très jeunes. Si Mathilde était en état de savoir l'inculpation qui pèse sur vous, elle vous relèverait de votre parole. Elle vous supplierait de dire tout ce qu'elle vous a confié. C'est elle-même qui viendrait vous défendre. Je ne peux rien dire, vous le savez. Enfin, puisqu'elle n'est pas là, il faut que j'y sois, moi. Darzac, le meilleur moyen de sauver Mathilde et de lui faire retrouver la raison, c'est de vous faire acquitter. Oui. Les charges à retenir contre M. Darzac s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe. Mais voulez-vous une dernière fois éclairer ma lanterne, si M. le Président le permet? Je vous en prie, Monsieur l'Avocat Général. Dites-nous, M. Rouletabille, par quel mystère et pour quelle obscure raison Mademoiselle Stangerson, que l'on tente d'assassiner, dissimule cette odieuse tentative à son père. Monsieur Darzac. Oui, monsieur le président. Une dernière fois, je vous le demande afin d'aider la justice et faciliter la tâche de ce tribunal. Vous vous enfermez dans un silence qui semble dicté par des sentiments très nobles et très hauts. Mais je vous le répète, nous sommes dans une enceinte de justice et la justice, comme l'amour, pardonnez-moi cette comparaison, a ses exigences. Je sais, monsieur le président. Refusez-vous toujours de nous dire, monsieur, quel a été votre emploi du temps à l'instant où l'on attentait à la vie de votre fiancée, mademoiselle Stangerson? Monsieur le Président, ne voyez nul manque de respect à la magistrature, mais ces révélations ne m'appartiennent pas. Je ne peux rien dire. Monsieur Rouletabille, on peut évidemment penser, monsieur le Président, que les absences de Robert Darzac sont étroitement liées au secret de Mathilde aussi. Se croit-il obligé d'observer la loi du silence, la loi de l'honneur? Monsieur Rouletabille, trois tentatives de meurtre, et monsieur Darzac, curieusement absent, ne possède aucun alibi. Au regard de la justice, c'est terriblement fâcheux. Monsieur l'avocat général, Larsan, à trois reprises, fait tout pour que les soupçons se portent sur Darzac. Trois fois, il fixe à l'inculpé des rendez-vous dans des endroits compromettants. Dès lors, notre héros se laissera plutôt condamner que de révéler la plus petite chose ayant trait au secret qui entoure la vie privée de Mathilde. Vous savez, Ballmeyer, alias Larsan, est assez intelligent pour l'avoir compris et en avoir largement abusé. Et vous croyez l'assassin capable d'aussi sombres machinations? Monsieur le Président, il en a fait bien d'autres. Mais alors, quel est ce secret qui entoure la vie de la fille du professeur? Monsieur le Président, je peux vous dire bien des choses. Et jusqu'à maintenant, vous ne vous en êtes pas privé? Oui, mais là, excusez-moi, je suis désolé, j'ignore totalement. Cela dit, quand je me suis présenté devant cette cour, je venais y tenir un serment. Vous donner le nom de l'assassin. Fort légitimement, Monsieur le Président, vous avez désiré une preuve de sa culpabilité. Ben, ça me paraît normal, non? Ô combien! Je me suis donc arrangé pour que l'assassin vous fournisse lui-même la preuve de sa culpabilité, ce qu'il a fait. Comment ça? Monsieur le Président, Larsan a fui. Et ce, déjà depuis 2 heures. Je doute qu'il ne revienne jamais. Par conséquent, il signe là son forfait. Et c'est pourquoi je me permettrai une dernière remarque. Je vous en prie, une de plus, une de moins. Eh bien, je crois que vous en savez assez, Monsieur le Président, et vous, messieurs du jury. Pour acquitter purement et simplement le client de Maître Henri Robert, je veux citer Monsieur Robert Darzac. Avant de rendre Monsieur Darzac à la liberté, ce qui n'est pas encore chose faite, je voudrais éclaircir avec vous un ou deux points qui restent encore obscurs. Mais comme vous voudrez, Monsieur le Président. Nous comprenons, toujours en admettant votre thèse, que Larsan ait voulu détourner les soupçons sur Robert Darzac, mais quel intérêt avait-il en les faisant planer également au-dessus du père Jacques? Mais c'est enfantin, Monsieur le Président. C'est sans doute pour cela que ça me dépasse. Non, je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Non, je veux dire qu'il y a dans ce phénomène la vanité, l'orgueil, la sûreté de soi, le culot, l'intérêt du policier. Qu'est-ce qu'il y a de plus grisant que d'accumuler des preuves pour mieux les détruire ensuite? La gloriole, je vous le dis. Et en plus, c'est très fort. C'est un truc que Larsan a souvent utilisé pour détourner des soupçons qui auraient pu à la longue se fixer sur lui-même. Prouver l'innocence de l'un avant d'accuser l'autre. C'est superbe, non? Il faut dire également qu'une affaire comme celle-ci n'a pas été improvisée, Monsieur le Président. Elle a été mijotée de longue date par Larsan. Mais enfin, Larsan ou Ballmeyer, ce n'est tout de même pas le diable. Oh, je n'irai pas jusque-là, mais presque. Sachez que le laboratoire des recherches de la Sûreté nationale travaillait en étroite collaboration avec le professeur Stangerson, à qui, comme par hasard, Larsan demandait d'effectuer des expériences. Et c'est de cette manière qu'il a pu à 2 reprises... pénétrer dans le pavillon avant le drame. Est-ce possible? Ben, c'est tellement possible, Monsieur le Président, que Larsan, déguisé comme il l'était, n'a jamais été reconnu par le père Jacques. Ce qui lui a permis, naturellement, de faire main basse sur une vieille paire de chaussures appartenant justement au père Jacques, ainsi qu'un béret usagé, et le tout noué dans un mouchoir. Ces vestiges pratiquement hors d'usage étaient destinés, nous le savons maintenant, un ami du père Jacques, le charbonnier sur la route d'Épinay. Dans ce cas, comment expliquez-vous, monsieur Rouletabille, que le père Jacques n'ait pas, depuis le début de l'enquête, reconnu ses affaires? Ah, je me doutais de cette réaction, monsieur l'avocat général, mais mettez-vous quelques instants, s'il vous plaît, à la place du père Jacques. Tout ça est bigrement compromettant, non? Et ça explique le trouble de cet être simple quand, à cette époque-là, nous lui en avons parlé. Reconnaître les objets, dites-moi, c'était un peu faire figure de coupable, non? Ah! Encore un point important à résoudre, monsieur Rouletabille. Mais je vous écoute de toutes mes oreilles, monsieur le Président. Vous avez profité de la dernière suspension d'audience pour avoir un entretien avec Frédéric Larsan. Exact. Important, cet entretien? Très important. Quel a été le sens de cette conversation? Un sens unique. Ah, je vous en prie, monsieur Rouletabille, ne plaisantons pas. Oui. De quoi avez-vous parlé? Mais c'est surtout moi qui ai mis la conversation sur les rails. J'ai dit à Frédéric Larsan qu'il était démasqué, que je possédais toutes les preuves. Ça l'a fait rire, mais jaune. Vous avez pris de gros risques, monsieur Rouletabille. À cet instant, Frédéric Larsan était encore un des policiers les plus éminents de la Sûreté Générale. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il n'y croyait plus beaucoup. Et il mesurait bien les conséquences de son échec. A-t-il dit quelque chose d'important pour le procès? Oui et non. Mais encore. Il a avoué. Je savais. Verbalement. Il l'a fait du reste sans grandiloquence, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux, du panache. Car, monsieur le président, messieurs les jurés, Larsan Ballmeyer est un bandit, et j'espère vivement que ça ne fait plus de doute pour personne, mais, à sa manière, c'est également un artiste. Hélas, un artiste du crime. On a déjà employé cette expression en parlant de Lassner, vous vous souvenez? Lassner était un sanguinaire, Larsan, lui, un scientifique. D'ailleurs, à cet égard, il serait prudent de revoir les rôles qu'il a tenus dans les affaires du Crédit Universel et des lingots de la monnaie. Car il est probable que quelques innocents se morfondent à l'ombre depuis que Larsan Ballmeyer appartient à ce corps d'élite qu'est la Sûreté Générale. Silence! Silence dans la salle! Voilà, j'ai terminé, monsieur le président. Merci, monsieur Rouletabille. Des questions, monsieur l'avocat général? Non. Maître Henri Robert? Président. Merci. Monsieur l'avocat de la Défense? Monsieur le Président. Je reconnais bien volontiers avec vous que ce procès n'a jamais été empreint de la plus petite marque d'orthodoxie judiciaire et légale. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur à la Cour et bien vouloir rendre témoignage de sa bonne foi. Oh, bien volontiers, monsieur le Président, d'autant que les débats ont été passionnants et que je n'ai pratiquement rien eu à faire. Et que votre tâche de ce fait a été particulièrement simplifiée. Il ne vous reste plus que de bien vouloir accepter les excuses du Président de cette cour d'assises. Oh, votre intégrité est trop connue, monsieur le bâtonnier, pour qu'en la circonstance, je ne puisse y rendre hommage. Merci, maître. Je vous propose donc un dépôt de conclusion afin que l'affaire soit renvoyée à une autre session pour supplément d'information. Je verrai à ce qu'un mandat d'amener soit délivré à l'égard de Larsan. Mes conclusions seront sur votre bureau ce soir même, monsieur le président. Monsieur l'avocat général. Oui, monsieur le président. Est-ce que le ministère public s'associe au dépôt des conclusions de la défense? Mes conclusions seront sur votre bureau au même instant que celles de maître Henri Robert. Monsieur le président, monsieur l'avocat général, il va de soi que le dépôt de ces conclusions s'accompagne de la relaxe immédiate de mon client, monsieur Robert Darzac. C'était sous-entendu, maître. Gendarme, que monsieur Darzac soit élargi immédiatement. Il est maintenu à la disposition de la justice et bénéficie de la liberté provisoire jusqu'à l'instruction du nouveau procès. L'audience est terminée. Joseph, je n'ai pas peur des mots. Aujourd'hui, vous avez fait un triomphe. Ah si, un triomphe. Ne soyez pas modeste. Mais je ne suis pas. Je me disais aussi. Bref, dans ce train qui nous emmène loin du tumulte versaillais, laissez-moi vous dire toute mon admiration, Joseph, c'est bien simple. La commune a vaincu. Là, c'est peut-être très exagéré. Mais je ne trouve pas. Votre admiration vous égare, mais mon pas cher. Du tout, pas du tout. Un avocat se doit d'être lucide. Or, j'ai suivi grâce à vous toute l'enquête et je dois dire que la façon dont vous avez démasqué Larsan, chapeau. Alors ça, c'était grand, fabuleux. Les mots me manquent. Ah ben, j'aime autant. Vous en avez dit plus que suffisamment. Ah, oh, vous savez, nous avons tous un cerveau, il faut essayer d'utiliser au maximum de ses possibilités. Et je ne crains pas d'affirmer que le vôtre est lumineux. Mon bon maître, l'amitié m'oblige à dire que vous résonnez comme un tambour. Ah, ça recommence. Ce n'est pas dans vos habitudes. Non, restons calmes, Sinclair, restons simples, nous y trouverons tous les deux de l'agrément. Eh bien, comme vous voudrez. Alors, je suppose que vous m'avez réservé des tas de questions. Ben, certes, car enfin... Tout ce qui vient de se passer ne me dit pas ce que vous êtes allé faire en Amérique. Allons, bon, je croyais pourtant avoir été clair sur ce point. Mais quand nous avons quitté définitivement le château du Glandier, vous saviez que Frédéric Larsan était coupable ? Ah, ça oui. Vous le saviez, et de plus, vous avez démonté tout le système qu'il avait mis au point pour commettre ces assassinats. Mais on ne peut rien vous cacher, Sinclair. Mais ne me dites pas que quand même vous ne vous doutiez de rien. Ah, de rien, mon vieux, de rien. Absolument de rien. Oh, c'est incroyable. Bah, avouez, parce que ça fait partie de votre caractère, que vous aviez pris bien soin de me dissimuler l'essentiel de votre pensée. Et je ne vois pas comment j'aurais pu faire pour deviner. Quand je suis arrivé au château, avec les revolvers, que vous m'aviez demandé d'apporter d'ailleurs, vous soupçonniez déjà Larsan à ce moment-là ? Oui. Pourquoi ? Parce que je venais de résoudre le problème de la galerie mystérieuse. Bon, mais le retour de Larsan dans la chambre de Mathilde a dû modérer vos assurances. Il est vrai que jusqu'à la découverte des lunettes de presbyte, je suis resté un peu dérouté. À disons que mes soupçons étaient, sans la moindre preuve, des soupçons mathématiques. Et malgré ça, l'idée que Frédéric Larsan pouvait être l'assassin, à ce moment-là, une idée incroyable, avouez-le. Cette idée insensée, vous l'avez acceptée tout naturellement. Décidément, mon bon maître, vous me prenez pour un faible d'esprit. Moi ? Oh, pas une seconde. Non, j'essaie seulement d'analyser. Mais bien sûr que non. C'est vrai que cette idée m'apparaissait si formidable que j'étais résolu à attendre des traces sensibles avant d'oser m'y arrêter davantage. Ah, quand même. J'ai dit, c'est vrai, cette idée me tracassait. Et je me souviens d'avoir eu, à différentes reprises, une façon de vous en parler qui, quand même, aurait dû vous mettre en éveil. Non. Vous m'avez dit des choses qui auraient pu me permettre de soupçonner Larsan. Ah oui. Moi ? Parfaitement. C'est pas ça, alors ? Premièrement, je ne mettais plus aussi souvent en avant la bonne foi de ce policier hors pair. Peut-être. Ah, bah, peut-être, sûrement. Et deuxièmement, je ne vous disais plus qu'il se trompait. C'est exact. Troisièmement, je vous ai dit ce que je pensais de son système de déduction et son côté un peu primaire. Oui. Enfin, moi, j'ai mis ça sur l'envie bien légitime que vous aviez de vous montrer plus astucieux que lui. Avec d'ailleurs un soupçon de mépris. Ah, ça c'est vrai, de mépris, car à cet instant, j'avais cessé de penser au policier. D'où mon mépris pour le bandit. Ce bandit que je le soupçonnais d'être. Joseph, est-ce qu'il n'y a pas là une montagne de subtilité qui échappe forcément à un pauvre esprit comme le mien ? La subtilité d'un avocat est tellement différente de la subtilité d'un journaliste. Croyez-vous ? Oh, j'en suis sûr. Et pourtant, quand je vous énumérais toutes les preuves qui s'accumulaient contre Robert Darzac, je m'entends vous dire, tout ça semble donner quelque corps à l'hypothèse du grand Frédéric Larsan. Oui, je me souviens. Je me souviens, en effet. Et vous avez ajouté... C'est du reste cette hypothèse que je crois fausse qui l'égarera. Et c'est maintenant que la subtilité entre en jeu. Tiens donc. Ah oui. Souvenez-vous précisément de la fin de ma phrase. Très clairement. Bon, mais c'est ça qui aurait dû vous mettre sur la voie. J'ai ajouté, ça aurait dû vous faire tomber des nues. Seulement, voilà, cette hypothèse égare-t-elle vraiment Frédéric Larsan ? Voilà. Ah, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens, mais comment ajouter une importance déterminante à toute cette succession de « voilà ». Langage sibyllin, je vous l'accorde, mais ça aurait dû vous donner à réfléchir, car je ne suis pas l'homme de ce genre de phrases qui reste en l'air. Oh, écoutez, Joseph, vous n'êtes pas sérieux, là. Mais je ne pouvais pas faire mieux, en l'occurrence, et tous mes soupçons étaient contenus dans ces « voilà ». Oh, écoutez, il m'aurait fallu une balance de postier ou de pharmacien pour mesurer et peser toute l'importance de cette phrase, et au moins l'honnêteté de le reconnaître. Oui, sans doute. Mais il fallait, mon bon Sinclair, une oreille peut-être plus affûtée que la vôtre. John. Enfin, heureusement, tout est terminé. Oh, pour vous peut-être, mais pas pour moi. Je vais profiter de cet omnibus qui nous ramène vers Paris pour vous tirer tous les vers du nez. Ah, j'ai horreur de cette expression. Oh, j'ai horreur. Ben, enfin, si vous me laissez allumer ma pipe tranquillement, nous ferons ensemble mon article pour l'Époque. Très bien. Eh ben, j'irai même jusqu'à fournir du feu. Voilà, voilà, voilà. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 24e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, le président Recoux, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassat, le greffier, Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierre. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ah, écoutez, Sinclair, avant de me livrer au feu roulant de vos questions, j'aimerais en terminer avec ma démonstration. Eh ben, je suis pas pressé, moi. Mon cher, à l'instant précis où je vous ai dit « Maintenant, cette hypothèse égare-t-elle Larsan ?» je vous regardais. Non. Si. Vous n'avez pas bougé un sourcil. À l'évidence, vous n'aviez pas compris. Et j'en étais enchanté, remarquez. Car jusqu'à la découverte des lunettes de presbyte, je ne pouvais considérer le crime de Larsan que comme une hypothèse absurde. Seulement, après cette découverte, qui m'expliquait enfin le pourquoi du retour de Larsan dans la chambre de Mathilde, alors vous comprenez aisément ma joie et ma satisfaction. Non, oui, oui, oui. Je revois très bien la scène. Ça, marcher dans la chambre comme un démon, en criant « Je roulerai le grand Frédéric, je le roulerai d'une façon retentissante. » Très bonne mémoire. Oui, ben, là-dessus, nous sommes d'accord. Vous vouliez posséder Larsan. Réaction légitime. Erreur, Sinclair. Pas le policier, le bandit. Oui, bien sûr, mais Pour un esprit non averti, je vous défie bien d'entendre la différence si on ne vous a pas précisé qu'il y a dans Larsan un policier et un bandit. Oui, c'est... Tout code de moralité bourgeoise, et je vous le concède sans doute idiot, veut que de coutume, l'un soit l'antithèse de l'autre. C'est vrai, c'est là-dessus que Larsan a basé tout son plan de bataille. Il a raisonné sur le fait que les idées primaires aveuglent ceux qui les pratiquent. Mais c'est vicieux, ça, non? C'est diabolique. Le soir même, chargé par Robert Darzac de surveiller la chambre de Mathilde, je me suis contenté jusqu'à 10h de dîner avec Frédéric Larsan sans prendre aucune autre mesure. Tranquille, parce qu'il était là. À ce moment-là, mon cher ami, vous auriez pu croire que c'était cet homme-là, et cet homme-là seulement que je soupçonnais. Mon petit Joseph, je vais vous dire quelque chose. Tout ça, c'est merveilleusement convaincant à partir du moment où on connaît la solution du problème. Appelez-vous quand je vous ai dit « Oh, je suis bien sûr que Frédéric Larsan sera là cette nuit ». Nous parlions de l'arrivée de l'assassin. Ah oui, mais ça pouvait dire également que vous vous attendiez à ce qu'il soit là, l'un et l'autre. Ouais, il y a encore une chose que, je dirais capitale, qui aurait dû vous éclairer. Une chose qui dénonçait Frédéric Larsan et que nous avons laissé échapper, vous et moi. Non. Alors là, il y a tant de choses qui m'ont échappé. Une de plus, une de moins, je suis pas après. C'est la canne, Sinclair. Ah oui. Vous avez oublié cette histoire de canne. Pour tout esprit logique, elle dénonçait Larsan. Et j'avoue avoir été étonné au cours de l'instruction qu'il ne soit pas servi de cette canne contre Darzac. Ah là, vous avez 100 fois raison. Ça, c'est un détail qui m'était sorti de l'esprit. Et pourtant, c'est un détail important. Hein. À telle enseigne que j'ai posé la question à Larsan avant qu'il ne s'enfuit. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah ben, qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de se servir de cette canne contre Robert Darzac. Et que nous l'avions sacrément embêté le soir de l'auberge d'Épinay quand nous lui avons démontré qu'il était bel et bien en train de mentir. Vous vous souvenez, il disait avoir reçu cette canne à Londres. Mais alors que la marque attestait que nous étions en présence d'un objet typiquement français. Ouais, et alors, voyez-vous, c'est là que nous avons commis une erreur impardonnable. Nous avons retourné cette vérité contre nous. Ah bon? Eh oui. Au lieu de penser Frédéric nous ment. Oui. Il était à Londres et n'a pas pu avoir là-bas une canne de Paris. La réponse était, Frédéric ment, il ne pouvait pas être à Londres puisqu'il a acheté cette canne à Paris. Et ça changeait tout. Ah ben fichtre, je pense bien. Remarquez, Frédéric menteur, après tout, c'est moindre mal, mais menteur à Paris au moment du crime, avouez que c'est un joli point de départ de soupçon, ça. Et alors, comment ne pas nous être posé la question qui, déguisé en Darzac, achète le soir du crime une canne chez Cassette? Cette canne que nous retrouvons entre les mains de Frédéric. Ben oui, aucun de nous n'y a pensé. Cet inconnu qui ressemble à Darzac et qui achète une canne que Larsan a entre les mains, ça ne peut être que Larsan lui-même. Okay. Eh bien alors là, je suis particulièrement borné, mais je dois vous dire que ça ne m'a pas effleuré une seconde. Tranquillisez-vous, nous avons des excuses. Ah ben alors, là, vous rassurez. Larsan, le policier estimé de la Sûreté Générale, c'était quand même pas le rêve pour faire un suspect. Hein? Non. Par contre, quand nous avons constaté l'acharnement avec lequel il accumulait les preuves contre Darzac, cette sorte de rage avec laquelle il poursuivait le malheureux, on aurait pu être frappé par l'importance de son mensonge. Entre nous. Ouais. Au fait, vous ne m'avez pas dit pourquoi Larsan ne s'était pas servi de l'histoire de la canne contre Darzac. Oh, alors là, c'est tellement simple que nous n'y avons même pas pensé. Larsan a acheté cette canne après avoir été blessé à la main par la balle tirée par Mathilde. Ça lui donnait un maintien. Il pouvait garder la main fermée sur quelque chose, ne pas être tenté de l'ouvrir et de montrer ainsi la blessure qu'il avait à la paume. Vous êtes sûr de ça? Bah, comment? C'est Larsan lui-même qui me l'a dit. Ah bon? Néanmoins, j'ai tenu à vérifier la chose. La chose? Ben oui, le soir où Larsan a simulé pour nous cet irrésistible sommeil, vous vous souvenez, je me suis penché sur lui. J'ai regardé dans le creux de sa main. Il y avait un mince pansement de gaz qui dissimulait le reste d'une blessure. Oh, il devait pas être heureux, monsieur Larsan. Oh là là, ça c'est le truc idéal pour être découvert. Voyons, à ce moment-là, remarquez, il nous aurait raconté n'importe quoi. Hein. Bah, alors pourquoi cette manie de se faire régulièrement la tête de Darzac? même silhouette, par-dessus mastic, chapeau foncé. Parce que, figurez-vous, il hait l'homme qui est aimé de Mathilde. Il commet un crime, il se déguise en Darzac. Il vole, encore Darzac. Il y a à la base de ça l'idée de nuire à tout prix. Alors un soir, en passant avenue de l'Opéra, devant chez Cassette, il lui vient l'idée d'acheter cette canne pour cacher sa blessure. Ça se tient comme logique, non? Ah oui, ben c'est en tout cas plus logique que d'acheter des chaussures, ça. Et cette canne, je la retrouve, moi, plus tard, entre ses mains. Paf. Et dire que j'avais deviné que le drame venait d'avoir lieu à cette heure précise. Que j'étais persuadé de l'innocence de Darzac. Et bon sang, je ne soupçonne pas Larsan. Tenez, on devrait parfois être condamné à manger du foin. Eh bien, mon cher Joseph, il est des fois où les plus vastes intelligences... Où les plus vastes intelligences doivent songer à descendre d'un train, surtout lorsqu'elles arrivent à destination. Nous sommes à Paris, mon bon Sinclair. Le navire a repris son cours. Pendant les quelques jours qui ont suivi le procès, les journaux ont manié les superlatifs pour vanter le génie de Rouletabille, dénoncer la noirceur de l'âme diabolique de Larsan Ballmeyer, sublimer l'héroïsme silencieux de Darzac, et puis, après quelques couplets sentimentaux visant la guérison et la fin du calvaire de Mathilde Stangerson, on a fini par ne plus parler du mystère de la chambre jaune. Personnellement, une idée continuait à me tracasser. Qu'est-ce que Rouletabille a bien pu aller chercher en Amérique? Chaque fois que nous nous voyons, je lui pose la question. Il répond pas. Je suis pas idiot, j'ai bien compris que cela touchait au mystère de la vie de Mathilde. À force d'insistance, il y a peu de temps, Rouletabille m'a dit. Sinclair cessait de me poser des questions au sujet de mon voyage aux États-Unis. Si je suis allé là-bas, c'est qu'il me fallait connaître la véritable personnalité de Larsan. Oh, et vous étiez obligé d'aller si loin pour la trouver? Faut croire. Les semaines et les mois passèrent. Au bout de tout ce temps, les échos tonitruants de la presse à scandale se sont estompés. Le professeur Stangerson est de nouveau captivé par ses recherches. Et j'ai la conviction que l'on peut tout dire, que l'on doit tout dire. D'ailleurs, l'histoire est courte. Mais elle aura le mérite de remettre les choses à leur place, car il s'est trouvé des esprits assez laids pour faire peser la suspicion sur Mathilde Stangerson, alors que depuis le début, elle a toujours été victime. Il y a plus de 20 ans, alors que Mathilde était une toute jeune fille, elle vivait avec son père à Philadelphie. Au cours d'une soirée donnée chez un de leurs amis, elle fit la connaissance d'un Français qui sut la séduire par ses manières, son esprit, son amour. On le disait riche. Il demanda sa main au professeur. Ce dernier, quoique favorable, fit prendre des renseignements sur Jean Roussel. Cet homme était un carambouilleur, un chevalier d'industrie. Bref, Stangerson refusa la main de sa fille et interdit à Roussel l'accès de sa demeure. Mathilde était jeune et ravissante, amoureuse pour faire bonne mesure. Dépitée, outrée, elle ne cacha pas à son père et son chagrin et sa colère. Stangerson l'envoya se calmer sur les bords de l'Ohio chez une vieille tante qui habitait Cincinnati. Pas besoin de vous faire un dessin, vous imaginez la suite. La jeune fille se joue de la surveillance de la vieille tante et file rejoindre Jean Roussel. Les lois américaines étant ce qu'elles sont, ils se retrouvent mariés dans les plus brefs délais. et les époux s'installent à Louisville. Et c'est là qu'un matin... Qu'est-ce que c'est ? Police ! Vous avez 3 secondes pour sortir les mains en l'air. N'essayez pas de filer, ma meilleure. L'immeuble est cerné. C'est de cette façon que la jeune femme apprit que Jean Roussel était le trop fameux Ballmeyer. Première réaction, le suicide. Sa tentative échoue. Alors elle regagne Cincinnati, où sa tante, folle d'inquiétude, l'accueille à bras ouverts. Mathilde lui avoue tout et lui fait jurer de ne rien révéler au professeur qui, sur le chapitre de l'honneur, n'est pas particulièrement badin. Un mois plus tard, Mathilde, écœurée de l'amour, rentre à Philadelphie où elle apprend la mort de Ballmeyer. Et le décor change, puisque, venue en France, Stangerson et sa fille s'adonnent à la science. La chère femme renaît au bonheur, elle vient de découvrir l'amour que lui porte Darzac. Il lui demande sa main, elle ne dit pas non, mais lui raconte toutefois l'épisode de Louisville. Darzac, le magnanime, balaie d'un geste généreux les souvenirs des plaisants d'outre-Atlantique et, puisque c'est dans la nature des choses, la sérénité regagne enfin le beau visage de Mathilde. Croyant Ballmeyer mort, mais après avoir tant expié et souffert, elle s'accorde la joie suprême d'unir ses jours à un ami sûr. Hélas, Roussel réapparaît. Ballmeyer est vivant. Jamais je ne permettrai ce mariage, Mathilde. Jamais. N'oubliez pas que je vous aime toujours. Que je n'ai cessé de vous aimer. La vengeance de Monte Cristo, à côté de ça, c'est de la littérature pour enfants. Et Mathilde replonge dans le désespoir, raconte tout à Darzac, lui montre les lettres de Roussel, Larsan, Ballmeyer, où celui-ci évoquait les premiers instants de leur union dans un charmant presbytère qu'ils avaient loué à Louisville. Aïe, vous avez compris le sens de la phrase maintenant ? Cette phrase surprise par Rouletabille au bal de l'Élysée. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. En effet, Larsan, qui se disait maintenant très riche et toujours amoureux de sa femme, émettait simplement la prétention de la ramener là-bas. Réaction de Mathilde. Mon Robert, si jamais mon père apprend mon déshonneur, je me tuerai. Me faudra-t-il donc pour vous épouser commettre un crime ? Les menaces de Ballmeyer se font de plus en plus pressantes et précises. Il a des tas de défauts, mais il aime Mathilde. Sans délicatesse, il est vrai, mais à sa façon brutale et exigeante. Une première fois, il se dresse devant elle dans la chambre jaune. Mathilde, beaucoup moins vulnérable qu'une vingtaine d'années auparavant, lui envoie un coup de revolver. Comme ce n'est pas une spécialiste, elle le rate. Dès lors, elle devient la victime de Ballmeyer qui ne manquera, lui, aucune occasion de la faire chanter. Il ira jusqu'à la mort s'il le faut. Elle ne pouvait rien refuser. Il exigeait des rendez-vous. Mathilde, au nom de notre amour, au nom de notre passé, j'insiste. Suivez-moi. Premier rendez-vous refusé, épisode du bureau 40, conséquence, le drame de la chambre jaune. Seconde tentative, seconde lettre. Mathilde esquive le rendez-vous en s'enfermant dans son boudoir avec la femme de chambre et la garde de nuit. L'horrible Larsan avait écrit « Puisqu'il vous est impossible de bouger compte tenu de votre état, c'est moi qui viendrai dans votre chambre la nuit prochaine à minuit. Prenez en conséquence toute disposition pour éviter un scandale qui ne serait fâcheux que pour vous. » Mathilde est coincée. Ballmeyer la tient. Elle accepte et le reçoit dans sa chambre. Et vous le savez, c'est l'épisode de la galerie mystérieuse. Et puis enfin, le troisième rendez-vous. fixer celui-là par un billet laissé dans la chambre de Mathilde Stangerson le soir de la galerie mystérieuse. Ouf, les termes étaient impératifs. Ou la jeune femme acceptait le rendez-vous et Ballmeyer promettait de rapporter les documents volés au professeur. Ou elle refusait et lui, toujours efficace, se promettait un magnifique feu de joie avec les 10 documents. Bien sûr, Mathilde s'affole. Elle soupçonne depuis longtemps Ballmeyer d'avoir autrefois, avec sa complicité inconsciente, volé déjà des documents dans le bureau de son père à Philadelphie. Elle connaît suffisamment son mari d'une semaine pour savoir que si elle ne consent point au rendez-vous, il est fort capable de réduire les travaux de toute une vie scientifique en un tas de cendres. Donc, il faut qu'elle le voie. Il faut tenter de le fléchir. De toute façon, l'entrevue est inévitable. Cette fois, elle prépare le rendez-vous. La chose fut très brève. On devine ce qui se passa. Supplication de Mathilde, brutalité et cruauté de Ballmeyer. Ou vous renoncez à Darzac, ou je suis capable de tout. Ne me poussez pas à vous, Mathilde. Mais vous n'avez donc pas compris que je l'aime. Déclaration maladroite. Ballmeyer rugit, se jette sur la femme qu'il aime, et toujours parce qu'il l'aime, il la poignarde 3 fois. Et puis, il a cette arrière-pensée. Je tue Mathilde, mais c'est Darzac qui montera sur l'échafaud. Ah, c'est qu'il est habile, Ballmeyer. Il n'aura qu'à reposer sur ses traits le masque de Larsan, et il sera sauvé. Enfin, c'est ce qu'il pense, puisque l'autre, celui qu'il hait par-dessus tout, ne pourra pas encore une fois justifier son emploi du temps. Ouais, les précautions de Ballmeyer étaient bien prises et l'inspiration en a été des plus simples, ainsi que l'avait deviné Rouletabille. Car Larsan fait chanter Darzac aussi facilement qu'il fait chanter Mathilde. Dans des lettres pressantes comme des ordres, il déclare qu'il est toujours disposé à négocier. Mais oui, il veut bien rendre la correspondance amoureuse échangée autrefois entre Mathilde et lui. Il est même prêt à disparaître. Seulement voilà, il faut y mettre le prix. Et Darzac se voit contraint de se rendre aux rendez-vous qui lui sont donnés sous peine de voir divulguer des lettres qui apporteraient le scandale et à coup sûr tueraient le professeur. Et ces rendez-vous sont fixés précisément au moment où Ballmeyer a besoin d'avoir les coudées libres pour s'entretenir avec Mathilde. À l'instant où Ballmeyer tente de tuer la fille du professeur, Darzac débarque à Épinay, où un complice de Larsan le retient et lui fait perdre son temps. Le lendemain, Darzac ne peut rien dire et tout s'enchaîne jusqu'au procès. Et Rouletabille en Amérique, me direz-vous. J'y arrive. À Philadelphie, il est renseigné tout de suite en ce qui concerne Sir Arthur Rance. Il apprend son acte de dévouement et apprend également le prix dont il a la prétention de le faire payer. Et ça, il faut reconnaître que les Américains ont toujours fixé des tarifs exorbitants en ce qui concerne la reconnaissance. Le bruit de son mariage avec Mathilde Stangerson a couru autrefois les salons de Philadelphie. Bien sûr, ce n'était pas le prince charmant, mais enfin, c'était quand même mieux que Ballmeyer. Seulement, à l'époque, le jeune savant américain, Sir Arthur Rance, poursuivait de ses assiduités inlassables une Mathilde Stangerson qui n'éprouvait pour lui aucun sentiment. Il la poursuit jusqu'en Europe, et il boit comme un trou. Il raconte après ça que c'est pour noyer son chagrin. À la cadence et à l'importance des noyades, le chagrin de Bérénice à côté du sien passe pour un simple caprice de midinette. Bref, rien de tout cela ne rend Arthur Rance sympathique à Rouletabille et il n'a eu aucun mal pour juger que l'affaire Rance n'entrait absolument pas dans l'affaire Larsan Stangerson. Donc, ce qu'il voulait savoir en fait, c'était qui est Jean Roussel. Pour le savoir, Rouletabille refait le voyage de Mathilde Stangerson. Il va de Philadelphie à Cincinnati. Là, il retrouve la vieille tante, sourde comme une lanterne, mais bavarde comme pas permis. Il écoute et essaie de la faire parler. L'histoire de l'arrestation de Ballmeyer à Louisville déclenche tout. Il se rend au presbytère, une modeste et charmante demeure de style colonial, presbytère qui n'a rien perdu de son charme, ni le... enfin je vous fais grâce du reste. Joseph abandonne la piste de Mathilde et s'attache à celle de Ballmeyer. Démarche facile, puisqu'il lui suffit de remonter de prison en prison, de bagne en bagne, de crime en crime. Il renoue le fil. Et quand il reprend le bateau pour l'Europe, sur les quais de New York, il sait que Ballmeyer s'est embarqué il y a des années plus tôt pour la France, ayant en poche les papiers d'un honorable commerçant français de la Nouvelle-Orléans qu'il venait précisément d'assassiner. Votre nom, monsieur ? Larsan. Prénom ? Frédéric. Profession ? Commerçant. Vous venez d'où, monsieur Larsan ? De la Nouvelle-Orléans. Vous comptez séjourner longtemps en France ? Bon. Allez donc savoir. S'il vous plaît. Oh, pour te vous dire, à la Nouvelle-Orléans, j'avais la sensation d'être mort. À Paris, je crois que je vais revivre. Compte tenu de ce qui vient de se passer, le cas de Larsan sera bientôt réglé par la police, ou alors on n'entendra plus jamais parler de lui. Bon. On progresse, mais on est encore loin du compte. Est-ce que nous connaissons vraiment le mystère de Mathilde Stangerson ? Pas encore. Alors restez assis. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, mariée depuis une semaine, cette pauvre Mathilde consomme le mariage et se retrouve enceinte de Jean Roussel. Elle mit un enfant au monde. Un garçon. Elle était retournée chez la vieille tante pour y cacher sa grossesse et accoucher sans faire frémir de honte le professeur. L'Amérique, pardonnez-moi ce truisme, c'est très grand. Personne ne sut jamais que Mathilde Stangerson avait été mère. Et maintenant, la question qui vous brûle les lèvres, qui vous démange, qu'est devenu cet enfant, ce garçon ? Ouais, ça... Ça, c'est une autre histoire, et je n'ai absolument pas le droit de vous la raconter. Vous souhaitez peut-être que nous en terminions avec des nouvelles de mon cher Joseph. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 3 jours. Il fumait sa pipe, mélancoliquement assis sur un banc du palais de justice. Eh ben, mon petit Joseph. Oh, ben vous en faites une tête, alors. Vous avez l'air nostalgique. Comment vont vos amis ? Mon bon Sinclair, en dehors de vous, vous savez bien que je n'ai pas d'amis. Oh, non, quand même. Darzac, oui, sans doute, par reconnaissance. Ah oui, et puis Mathilde, hein ? Ne me dites pas que vous n'avez pas pris de ses nouvelles. Hein ? Si. Allez, comment va-t-elle ? La vie reprend son cours, elle va mieux, bien mieux, beaucoup mieux. Eh ben alors, il n'y a rien de triste dans tout ça. Ben si, un peu, parce que... Et vous, je pense sans cesse à un souvenir. Le parfum de la dame en noir. Oh, Joseph, je vous entends sans arrêt me parler de ce fameux parfum. Alors, je vous en prie, expliquez-moi au moins lequel des deux poursuit l'autre. Pas encore, Sinclair. Le moment n'est pas encore venu. Mais un jour, peut-être, on ne sait jamais. Thank you. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, 25e et dernier épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rennes, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le douanier Gaëtan Jor et la voix de Georges Lucas. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne.